sommes deux étoiles qui brillent dans l'univers. On se regarde de loin, toujours un peu fier. Je ne connais pas ton désert, le mien il est là dans mon cœur. À chaque fois que je te perds, à chaque fois que je te sers. Le temps passe et j'oublie qui je suis, à deux rues de chez toi. Je ne sais plus quand finit la nuit, le ciel est tombé si bas. Faudrait que je t'écris, que j'ai enfin le courage. Mais j'ai peur de ce qui arrive et de tourner la page. Siamo un libro sul pavimento di una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'engobre sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori locale. E meno male se la dernière chanson est juste après la lune explosera. Je viendrai te dire que tu as tort, tu as tort encore. Laisse la musique te parler de moi. Et tu non dormi, dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera. Tutte le cose, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti agita. Elle sera là quand tu t'endormis, dormi, dormi, dormi, dormira. C'est la dernière chanson pour toi. On est deux étoiles qui brillent dans l'univers, à crier sur tous les toits qu'on a peur du noir. Plus personne ne fait ça aujourd'hui, on ne voit même plus ça dans les films. Sur ton lit, y a des fleurs pour moi, il y a mon gilet en métal. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Persi tra le persone, quante parole senza mai una risposta. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori locale. E meno male se la dernière chanson est juste après la lune explosera. Je viendrai te dire que tu as tort, tu as tort encore. Laisse la musique te parler de moi. Quand nos colères s'enflamment comme un feu de paille, elle te dira tout ce que je te dis pas. Elle te dira qu'il faut tenir, tenir encore. Laisse la musique te parler de moi. Tanto lo so che tu non dormi. Spegni la luce anche se non ti va. Restiamo al buio avvolti solo dal suono della voce. Al di là della follia che balla in tutte le cose. Due vite, guarda che disordine. Se la dernière chanson pour toi, je viendrai te dire que tu as tort, tu as tort encore. Laisse la musique te parler de moi. Chanson pour toi, chanson pour toi, pour toi.